France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Aux côtés de sa poésie, de ses contes, nouvelles, romans et essais, le théâtre, pour lequel il se passionna pourtant toujours, n'occupe qu'une petite place dans l'œuvre foisonnante d'André-Pierre de Mandiargues. En matière d'art dramatique, ce ne fut d'ailleurs que très tardivement que s'accomplit son passage à l'acte. Publié en 1973, créé l'année suivante au Théâtre d'Orsay, dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault, Isabella Mora était la première pièce d'André-Pierre de Mandiargues. Une pièce que lui avait inspirée le terrible destin d'Isabella di Mora, la jeune poétesse italienne du XVIe siècle, assassinée par ses trois frères. Sur France Culture, pour le 8e numéro de Mise en scène, la série qu'il consacrait au théâtre, c'était à ce spectacle que Guy Dumur s'intéressait dans une émission qui réunissait André-Pierre de Mandiargues, Jean-Louis Barrault et la comédienne Annie Dupéré qui interprétait Isabella Mora. Y avait également été conviée une descendante de la famille Mora et Ornella Volta, traductrice d'un texte sur la poétesse calabraise assassinée, écrit par le philosophe et homme politique Benedetto Croce, qui contribua à sortir de l'ombre l'histoire et l'œuvre poétique d'Isabella Mora. Mise en scène, Isabella Mora, d'André-Pierre de Mandiargues, par Jean-Louis Barrault, une émission diffusée la première fois, le 12 mai 1974, sur France Culture. Nous sommes réunis, nombreux, autour de ce micro, aujourd'hui, pour parler de la nouvelle et même de la première pièce d'André-Pierre de Mandiargues, Isabella Mora, qui se joue au Théâtre d'Orsay, dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault. Il y a là... bien sûr, André-Pierre de Mandiargues, l'auteur, Jean-Louis Barrault, le metteur en scène, Annie Dupéré, la principale interprète, et deux Italiennes. Madame Ornella Volta, qui a traduit pour les cahiers de Jean-Louis Barrault, de la compagnie Barrault-Renault, un très beau texte de Benedetto Croce, et qui pourra nous parler un peu de l'atmosphère italienne, du background italien de la pièce. Et puis également, ce qui est assez surprenant, une descendante authentique de l'héroïne de la pièce, Isabella Mora. Et évidemment, c'est un cas assez curieux de pouvoir voir la descendante d'une héroïne d'une pièce qui est située au XVIe siècle, puisque cette œuvre d'André-Pierre de Mandiargues met en scène une authentique histoire, une véritable histoire, l'histoire d'une poétesse du XVIe siècle qui, à une époque de violence extrême, a été assassinée par ses frères pour avoir correspondu avec un Espagnol, avec un seigneur espagnol. C'est une pièce extrêmement violente, et c'est une pièce en même temps qui est à la gloire de la poésie, mais je crois que André-Pierre de Mandiargues peut nous en parler, évidemment, beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Le sujet, il me semble que vous l'avez très bien dit. Ce que je vous dirais, c'est que sur cette sombre histoire du XVIe siècle, qui ressemble beaucoup au sujet des chroniques italiennes de Stendhal, j'aurais pu essayer d'écrire une pièce historique. Ça n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, bien entendu. Et mes recherches vont toujours sur le plan, sinon de l'avant-garde, au moins du modernisme. Et j'ai essayé de faire une pièce qui se rattache à la fois au théâtre élisabétain et qui soit en même temps extrêmement moderne. Il y a assez longtemps, parce que j'ai cette idée, que par un certain élisabétanisme modernisé, en s'inspirant beaucoup des idées d'Artaud sur le théâtre de la cruauté, en se rattachant un peu à ces magnifiques Cenci qui ont eu, je crois, 5 ou 6 représentations seulement avant la guerre, on pouvait faire un théâtre encore assez inouï et original par rapport à toutes les formes du théâtre moderne, du théâtre intellectuel, du théâtre de mots qui est en général le théâtre des poètes. J'ai essayé, n'est-ce pas, dans cette pièce, de ne pas faire une pièce de poète, de ne pas faire une pièce d'écrivain, de ne pas faire une pièce de mots, mais de faire une pièce de théâtre, c'est-à-dire une pièce dont les mots commandent des faits extraordinaires, bizarres, cruels, érotiques, qui se passent devant les yeux des spectateurs sur une scène, parce qu'il me semble que le théâtre est surtout voir et que l'on donne à entendre, et que ce ne doit pas être des phrases d'écrivains, des phrases de poètes, une sorte de déluge de mots, une sorte de logorée, comme disent les psychiatres, chose que je retrouve en trop de pièces modernes, particulièrement des pièces anglaises ou américaines sur lesquelles je ne reviendrai pas. Oui, André-Pierre de Mandiac, vous nous donnez plutôt un commentaire qu'une description de la pièce. Et Jean-Louis Barrault, est-ce que cette pièce vous est apparue telle que Mandiac l'a décrit, ou bien est-ce que vous pouvez la voir, vous, la voyant en homme de théâtre, comment l'avez-vous vue lorsque vous l'avez lue la première fois? Quand Pierre de Mandiac m'a fait lire sa pièce, d'abord elle m'a plu énormément. Et aussitôt, et comme j'ai une grande admiration pour Pierre de Mandiac, aussitôt, je lui ai demandé de la monter. La pièce m'est apparue comme d'abord un conflit très incandescent entre un être qui est habité par la poésie, c'est-à-dire qui paraît une espèce de sorcière maléfique, car la poésie a toujours cette réputation, même de nos jours, d'une certaine sorcellerie, d'un certain côté maléfique, et ce conflit avec trois jeunes gens qui sont ses frères, les frères d'Isabelle Lamora, et qui, eux, représentent l'endurcissement, la haine, la bestialité, et par conséquent, la cruauté, la mesquinerie. Si bien que le conflit entre l'épanouissement magique de l'être qu'entraîne la poésie avec l'autre côté des êtres qui est le côté bestial, me paraît être le conflit essentiel de cette pièce. Et je crois que là, ça traverse à la fois le temps et l'espace. C'est actuel et c'est puisé dans la Renaissance et c'est peut-être puisé dans le théâtre élisabéthain. C'est ce qui m'a touché. André-Pierre de Mandiac a effectivement souligné l'aspect moderne de la pièce par rapport à un sujet ancien. Et il est évident que lorsque les rapports, disons, sadomasochistes qui peuvent exister entre l'héroïne Isabelle Lamora et ses frères correspondent évidemment à des attitudes modernes et qui ont été exploitées par le cinéma, notamment, je pense à un film, c'est assez curieux que la pièce de Mandiac, bien entendu, qui a été écrite il y a déjà quelque temps, rejoint d'une certaine façon un film comme Le Portier de Nuit. Et il y a évidemment, on sent dans cette pièce, malgré tout, bien qu'elle se passe au XVIe siècle et qu'elle soit véritablement datée au XVIe siècle. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux chroniques italiennes de Stendhal, vous avez fait allusion au Cenci, la pièce d'Artaud, que Artaud a tiré lui-même de Stendhal et de Shelley. Et c'est certain, bien sûr, c'est le XVIe siècle, mais en même temps, ces jeunes gens, tels qu'ils nous apparaissent, nous en parlerons dans un instant, tels qu'ils apparaissent d'ailleurs sur des motos, d'ailleurs, donc il y a une volonté de modernisation, peuvent faire penser également à des jeunes nazis. Est-ce que c'est votre opinion? Bien entendu, mais alors je vais revenir plutôt en arrière au moment où est née la pièce dans mon esprit. Ce que j'ai voulu faire, surtout, c'est une pièce sur un sujet qui, très curieusement, n'avait encore jamais été traité au théâtre jusqu'à présent, parce que dans le théâtre élisabéthain, il y a une quantité de pièces qui ont pour sujet l'alchimie, l'astrologie, le poison. Tous les sujets politiques ont été très abondamment traités autrefois, la prise de pouvoir, le monarque qui abuse de son pouvoir, enfin toutes ces questions-là ont servi de sujet à des pièces, mais la poésie n'a, à ma connaissance, encore jamais servi de sujet à une pièce de théâtre. C'est assez étrange, étant donné que tout de même, tous les plus grands auteurs de théâtre, de Shakespeare à Paul Claudel, sont des poètes par-dessus tout. Et s'il y a quelque chose dont j'ose modestement me vanter dans cette pièce, c'est d'avoir été le premier à faire une pièce sur le sujet de la poésie. Ce sujet, la mise en scène de Jean-Louis Barrault, l'a éclairé d'une façon que je trouve extraordinaire. Dans les premières scènes d'Isabelle Lamora, au sortir de la musique et de la nuit, dans la nuit, une grande et sublime fille en chemise pourpre apparaît comme si elle était projetée vraiment hors de la nuit maternelle, de la nuit qui est la grande mère de la poésie, et elle se convulse, elle se roule, elle bondit, elle se précipite, pas sur le sol, sous la lumière des projecteurs, et il est évident que c'est l'enfantement de la poésie et l'incarnation de la poésie dans une poétesse. Ben, tous les gens qui ont aimé le romantisme allemand et tous les gens qui ont lu Mallarmé devraient comprendre ça tout de suite. Il est assez curieux qu'aucun de nos critiques de théâtre n'ait remarqué ça. C'est tout de même assez singulier dans l'histoire du théâtre moderne. Oui, oui, ça sûrement. Annie Dupéré, vous qui jouez ce rôle très difficile d'ailleurs d'Isabella Mora, est-ce que vous avez éprouvé les sentiments que André-Pierre de Mandiargues vient de décrire? Est-ce que vous vous êtes senti incarner la poésie à l'état pur? Non, je ne sais pas. En tout cas, je ne saurais pas l'expliquer. Peut-être je l'ai senti, mais je ne me le suis pas expliqué et je ne me le suis pas dit. Vous vous sentez comment? Comme une héroïne tragique, une victime? Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois que c'est un rôle où j'ai beaucoup donné de moi-même. Quand j'ai lu le rôle, d'ailleurs, j'ai eu une période d'hésitation. Pas d'hésitation, je le trouvais très beau, mais où je ne savais pas très bien où l'accrocher pour moi. Et finalement, on en a parlé avec Jean-Louis après, et il est certain que j'avais des choses à crier, des choses à dire, à sortir. Je veux dire, moi, la poésie, peut-être, je suis poète, mais pas avec des mots. Oui, oui. Mais... Alors, j'avais des choses à exprimer et qui se trouvaient parfaitement en accord, finalement, avec Isabella. Il y a tout de même un point difficile, il me semble, dans votre interprétation, c'est que, nous ne l'avons pas dit jusqu'à présent, c'est que Isabella Mora est une poétesse et qu'elle récite ses poèmes, qu'il y a quelques-uns de ses poèmes que vous êtes obligé de dire, c'est-à-dire de rompre l'action et de dire ses poèmes. Et alors, là, tout de même, ça doit présenter pour vous... Mais on ne rompt pas l'action avec les poèmes. Ah voilà, mais ça c'est intéressant, peut-être. Non. Non, non, ils sont intégrés. Et chacun des poèmes est devenu, à un moment de la pièce, une chose bien précise et qui s'intègre dans un mouvement, même physique. Tu sais, Jean-Louis, celui que je n'aimais pas vers la fin, maintenant je l'adore. Oui, oui, merci. Il est en situation. Oui, oui. Non, oui. Il y a une chose sur laquelle on pourrait s'étendre un tout petit peu, c'est sur ce mot poésie, et qui était un mot dangereux. Parce que quand on parle de poésie, en général, on voit une dame qui s'accoude d'un piano ou sur le coin d'une cheminée qui commence à réciter des vers. Or, la poésie me paraît être le prolongement corporel de l'être. Et c'est grâce aux mots dont on s'entoure que l'on se protège des autres et on se protège de l'extérieur. Les mots deviennent une armure contre et qui nous protège contre les assauts extérieurs. Il y a donc là une défense physique, une défense stratégique, une défense de l'être éternel contre la vulgarité, contre la bestialité, contre la mesquinerie, contre tout ce qui est destructeur, contre la calomnie, l'endurcissement, la haine, qui sont les moteurs de la destruction. Alors, à ce moment-là, l'être qui a le don de poésie s'entoure d'une cuirasse de mots qui le rend plus fort que toutes les attaques les plus bestiales. Et alors, c'est ça qui est l'intérêt permanent de la poésie. C'est quelque chose de concret. Ça n'est pas de la littérature, ça n'est pas de la distraction de salon. C'est de la légitime défense, la poésie. Et alors, je crois que c'est ce qui se dégage de cette œuvre, justement, c'est qu'au moment même où elle est la plus attaquée, elle s'enveloppe magiquement de mots, d'une cuirasse de mots qui rend absolument impuissants ses frères qui, eux, n'ont que leur couteau. À ce point de vue-là, la signification de la pièce d'André-Pierre de Mandiargues m'a paru extrêmement claire. Et contrairement, j'ai fait une allusion tout à l'heure au film de Liliana Cavani pour être un peu dans l'actualité, et où vous savez que dans les déclarations qu'elle a pu faire à la presse, elle a dit que les victimes ne sont pas forcément innocentes, ce qui est une déclaration qui a révolté beaucoup de gens. Et ce qui m'a frappé dans la pièce d'André-Pierre de Mandiargues, nous l'interrogerons là-dessus tout à l'heure, mais qui est un esprit, je voudrais employer un mot tout de même un peu fort peut-être, mais qui est un peu un esprit pervers. Or, dans cette pièce, il n'y a aucune perversion. Les rôles sont nettement distribués. Il y a d'un côté une espèce de violence incroyable qui se pare peut-être d'ailleurs du charme de trois jeunes gens, mais enfin la violence est entièrement de leur côté et l'innocence, la beauté, la pureté du côté d'Isabella Mora. Il me semble que les choses sont très tranchées, très nettes, comme vient de le dire Jean-Louis Barrault, non, André ? Je vous remercie de ce que vous avez dit, parce que j'allais le dire à peu près. Chacun sait que j'ai pour le marquis, le grand Sade, celui que Flaubert appelait avec amour le vieux, une admiration et une sorte d'amour, moi aussi, qui sont très grandes. J'ai écrit une préface assez longue, un essai pour l'un de ses plus beaux romans, Juliette, et j'ai écrit assez souvent sur Sade. Mais je ne suis pas content du tout que certains esprits hâtifs rattachent Isabella Mora à cette part sadienne de mon esprit. Isabella Mora n'est pas une œuvre sadique du tout, malgré la cruauté érotique qui se dégage du deuxième acte. Enfin, il ne faut pas l'oublier que Sade n'aimait pas la poésie. Pour Sade, la poésie était quelque chose qui ne rentrait pas du tout dans les catégories assez étroites de sa philosophie. Il y a quelque chose de religieux dans la pièce d'Isabella Mora qui aurait déplu extrêmement à Sade. La pièce d'Isabella Mora est en réalité, dans mon esprit, un hommage à une grande poétesse extrêmement émouvante, émouvante aussi parce que dans son château de ce basilicat lointain où elle avait une vie qui nous semble infernale aujourd'hui, elle ne regardait que vers la France, que vers la cour de François Ier. Et j'ai essayé aussi dans cette pièce de lui donner ce beau tombeau, ce fier sépulcre de marbre dont elle rêvait et qu'elle demandait à ses muses dans ses poèmes et qu'elle espérait avoir en France par les soins d'un roi qui n'était que François Ier, le roi auquel elle se rattache toujours par opposition à l'empereur Charles Quint, au chef des troupes espagnoles qui occupaient tout le royaume de Naples et le basilicat à cette époque-là et qui représentait pour elle l'ennemi parce qu'il était le responsable de l'exil de son père et de son frère en France. Ce sentiment religieux, il est exprimé tout au long de la pièce par la musique sublime de Gesualdo dont nous allons entendre quelques mesures. André-Pierre de Mandiargues vient d'évoquer l'époque à laquelle se situe Isabella Mora, ce 16e siècle, ce milieu du 16e siècle, dont il a esquissé l'histoire politique qui était extrêmement compliquée. Nous n'avons peut-être pas dit assez, précisé assez, que Isabella Mora vivait en Calabre, en Lucanie exactement, et dans une région que Benedetto Croce a visitée, puisque il est un de ceux qui ont redécouvert la poésie d'Isabella Mora, et Madame Ornella Volta a présenté d'ailleurs ce texte, a traduit ce texte de Benedetto Croce sur l'époque. Sur cette époque et sur la visite qu'il a faite au château des Mora. Madame Volta, vous connaissez cette période, évidemment étant italienne, en tout cas cette période du XVIe siècle italien, qui est une période compliquée et très rude, peut-on dire. Oui, il y a un côté noir de l'Italie de cette époque que D'habitude, on oublie, en fait, dans l'histoire italienne, il y a tout un côté noir dans l'aristocratie italienne, dans l'histoire des papes, et tout ça correspond à cette atmosphère. Mais à propos de Benedetto Croce et de sa visite sur les lieux, je voulais dire que c'est assez extraordinaire, c'est assez rare pour un érudit comme lui, un grand critique, mais enfin, qui faisait surtout des travaux de bibliothèque, d'avoir éprouvé les besoins de se rendre dans les lieux, et de visiter, de s'identifier un peu presque à cette poétesse, lui qui n'est pas un poète comme André de Mandiague. En même temps, il a eu ce besoin vraiment de se mettre dans le point de vue de cette poétesse, en se rendant dans ces lieux qui sont si inaccessibles, si étranges, que le temps n'a rien pu contre eux. Ils sont restés les mêmes après des siècles. Il y a un autre écrivain italien, Carlo Levi, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Christ s'est arrêté à Eboli ». Et qui se passe dans la même région. Justement, parce qu'on est resté dans le paganisme, on est resté dans la magie. La poésie peut s'identifier à la magie dans ces lieux. Voyez. Et vous ne trouvez pas qu'il est frappant de voir cette cohabitation de la religion et du crime ? Parce que, par exemple, de penser que toute cette belle musique religieuse que nous présentons, qui est de Gesualdo, est une musique d'un criminel. Oui, parce qu'effectivement, Gesualdo est un homme qui est devenu musicien après avoir assassiné sa femme. Oui, sa femme et ses enfants. Sa femme et son propre enfant, sur la paternité duquel il avait des doutes. Termine par des grands chants religieux. Il est assez singulier, n'est pas actuel. Dans l'ancienne Italie, toutes les très grandes familles aristocratiques sont fondées sur le crime, en quelque sorte. Gesualdo était prince de Venosa. Il a assassiné un assez grand nombre de gens au début de sa vie, et il a terminé sa vie en écrivant des musiques sublimes sur le thème « Tu ne tueras point ». La famille Mora est une des plus anciennes et des plus puissantes aussi familles italiennes. Elle remonte au deuxième siècle après Christ. Je suis certain que si nous nous penchions, nous trouverions bien d'autres faits sanglants. N'oublions pas d'ailleurs que le frère d'Isabella Mora semble avoir été assassiné en France, empoisonné parce qu'il s'était introduit dans les bonnes grâces et dans la confiance de Catherine de Médicis. Donc, mon épouse Bona a dans le passé de sa famille un certain nombre de beaux crimes aussi. L'un de ses aïeux, Filippo da Pisa, est célèbre pour avoir poignardé le comte d'Armagnac alors qu'il traversait une rivière à gué. Filippo da Pisa s'est jeté sur lui et l'a poignardé dans le dos, suivant une louable et ancienne tradition. Et dans l'église de Fiesole, au-dessus de Florence, il y a une dalle expiatoire à la mémoire de quelqu'un, je ne sais plus le nom, mais qui a été poignardé pendant la Sainte Messe par un aïeul de Bona. L'église a dû être reconsacrée ensuite. Oui, mais enfin, vous êtes marié à une descendante de criminels, mais là, nous avons aujourd'hui une authentique descendante de criminels qui est de la famille Mora, Et alors, quel effet ça fait, madame, d'être descendante d'aussi grands criminels? Eh bien, je n'y pense pas souvent, il faut dire. Quand j'y pense, c'est assez impressionnant, je l'avoue. Mais cette tradition, je pense qu'elle ne s'est pas perpétuée dans le temps. C'est plutôt la tradition de la poétesse Isabella qui dure encore de nos jours dans le village de Valsigne actuel, qui était Favale avant. Encore maintenant, Isabella, c'est l'idole de jeunes filles. Des jeunes filles du pays, vous voulez dire? Du village, oui, qui, à chaque mariage, se réunissent dans les ruines du château de Favale, actuel Valsigne, pour chanter une chanson qui s'appelle « La canzone d'Isabella », et qui est un chant d'amour, un hymne à l'amour, et presque une prière à la poétesse. Oui, parce qu'il y a un tout petit passage que Pierre de Mandiague a écrit qui me paraît être tout à fait ressemblant à l'esprit ou au cœur d'Isabella Mora. C'est que quand ses frères, ne supportant pas la description de ses amours imaginaires avec cet Espagnol, s'écrient « Mort de la Vierge, mort, mort, mort, mort !» Et elle répond « Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, moi je dis vie, vie, amour, poésie. » Musique. Cette pièce, c'est donc le conflit entre la mort et la vie. Et la vie étant représentée par la poésie. C'est là que me paraît être un très beau sujet qui donne à sa pièce vraiment la vertu de ce sujet. Mais Madame Morat, enfin qui ne s'appelle pas Morat, mais auquel je préfère garder ce nom. C'est la fille de l'aînée. C'est ça, de la famille. Voilà. Oui, et vient d'évoquer, je trouve ça extrêmement beau d'évoquer ces cœurs de jeunes filles. Est-ce que les jeunes filles de ce village, enfin de l'ancien Faval, savent, connaissent l'histoire d'Isabelle Lamorat? Est-ce que pour elles, elles ont un sentiment tout de même de tragique? Bien sûr, c'est leur... leur idole presque, si on peut dire en termes modernes. Mais une idole tragique, enfin. Tragique, bien sûr, mais aussi presque un porte-bonheur, si vous voulez. À l'occasion des mariages, elle pense à elle comme à la déesse de l'amour. Est-ce que votre famille est toujours dans le pays, est toujours installée dans le pays? Non, une branche. Mais ils sont plusieurs frères, et il y en a qui habitent à Rome, l'actuel prince de Morra. Cousin de ma mère habite à Rome, ma mère habite à Rome, mais dans Valsigny même, vous voulez dire dans la Basilicate? Oui. Non, dans la Basilicate, il n'y a plus personne. Nous n'avons plus rien. Les terres n'existent plus, tout a été vendu. Mais dans d'autres terres, dans le Benevento, par exemple, il y a encore le palais Morra. Et est-ce que dans votre famille, on garde le culte non seulement d'Isabella Morra, mais est-ce qu'on connaît bien l'histoire de la famille, on s'y intéresse? Bien sûr, il existe un livre écrit en latin, d'ailleurs, que le prince Morra a fait traduire en italien, et qui raconte toute l'histoire de la famille Morra. Je ne sais pas si vous savez qu'Isabella, en tant que poétesse, tient une très très grande place dans la littérature italienne actuelle. Elle est dans les anthologies, elle est enseignée dans les écoles. Elle est au même niveau que les grandes poétesses du 500 comme Vittoria Colonna et Gaspar Stampa. Elle est votre Louise Labbé. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a une grande différence. Louise Labbé est une merveilleuse et prodigieuse débauchée. Oui. Tandis qu'il y a dans Isabelle Lamora une sorte de virginité magique et poétique qui la fait resplendir d'un éclat très particulier. Pour moi, alors là c'est une opinion personnelle, mais je crois que je n'ai pas tort, la poétesse à laquelle elle me fait plus particulièrement songer, c'est Emily Brontë, l'auteur des Hauts de Hurlevent, bien entendu, mais l'auteur aussi de poèmes très beaux, très désespérés, très noirs, et qu'on n'a pas suffisamment lus. Eh bien, Isabelle Lamora est peut-être le seul poète ou la seule poétesse tellement, tellement loin, n'est-ce pas, dans l'histoire, dans le temps avant Emily Brontë, mais dans l'œuvre de laquelle on trouve déjà ce ton-là. C'est très curieux. Il y a tout de même une chose dont j'aurais voulu parler, dont j'ai essayé de parler tout à l'heure, c'est sur l'époque même du XVIe siècle, parce que dans votre pièce, Isabelle Lamora, vous évoquez quand même beaucoup d'événements et que vous avez évoqués dans notre conversation. Et par exemple, le fait, vous avez dit tout à l'heure qu'Isabelle Lamora avait les yeux tournés vers la cour de France, où se trouve d'ailleurs son père et l'un de ses frères. Il y a également cet Espagnol avec lequel elle correspond à la grande colère de ses frères, puisque dans l'histoire véritable, vous ne le montrez pas sur la scène, mais les frères ont non seulement assassiné leur sœur, mais ils ont assassiné également l'Espagnol, et comme vous le montrez dans la pièce, le messager, le pédagogue, qui a servi d'intermédiaire entre, j'allais dire, les deux amants, mais en vérité, ils n'ont même pas été amants. Et Madame Volta, là, sur cette histoire d'Italie, de cette époque, de cette région, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éclaircissements? Parce que c'est très complexe. Il y a le conflit entre la France et l'Espagne. Le conflit entre la France et l'Espagne, oui. Tantôt, là, les troupes françaises gagnaient des terrains, tantôt les Espagnols. Alors, il y avait tous les petits barons, tous les petits feux de terre, ou les grands feux de terre qui passaient d'un côté et de l'autre, et quand les Espagnols gagnaient, ceux qui avaient appuyé les Français naturellement devaient s'exiler, et c'était comme ça qu'à la cour de France au premier il y a eu beaucoup d'Italiens tout autour, et surtout des hommes de lettres, parce qu'il y avait un prestige culturel dans la cour de France au premier qui attirait beaucoup. Donc, les campagnes françaises, tout de même militaires à cette époque-là, n'ont pas été très heureuses. La grande époque des Français dans l'Italie du Sud, historiquement, ça a été les Anjou, ce qui était beaucoup plus tôt, et ça s'est terminé par les vêpres siciliennes, qui me paraissent un excellent châtiment à des gens qui me sont fort antipathiques. Cette époque d'inquisition également que rappelle Pierre de Mondiac, et je crois, il me semble, enfin je voudrais qu'un historien me précise bien la chose, je crois que c'est une époque très curieuse de l'Italie, où l'Italie à ce moment-là paraît dépeuplée, et où l'Italie est à prendre. Et l'Italie préférait que ce soit la France qui prenne l'Italie. Mais il y a eu du désordre dans la campagne de François Ier, et les Français ne se sont pas conduits en bons stratèges, et ce sont les inquisiteurs espagnols qui ont été beaucoup plus malins pour prendre l'Italie. Et c'est une époque, cite Michelet, où l'Italie est tellement dépeuplée que vraiment c'est un pays désertique. Or, il n'y a plus que 180 000 personnes en Italie, ou 1 800 000 personnes, enfin, Gênes à 5 000 habitants, Florence 4 000 habitants, etc. Mais alors, c'est une élite internationale qui fait le peuple d'Italie. C'est un cas très curieux, il me semble, de cette Italie de la Renaissance qui compte le plus grand pourcentage de génie avec le minimum de population. Est-ce que c'est juste hein? Oui, mais ce que l'on sent surtout à travers l'histoire d'Isabelle la Mora, c'est la force de la féodalité, la force quand même des seigneurs qui occupent un territoire et qui essaient soit de défendre ce territoire, soit de le vendre au plus offrant, au gré des alliances. Et alors, il me semble que l'histoire d'Isabelle la Mora peut s'expliquer surtout par la puissance des seigneurs. Et vous avez dit tout à l'heure, on a beaucoup dit que cette pièce était une défense de la poésie, était écrite à la gloire de la poésie, et je crois que telle est l'intention de Mandiargue, et c'est ce qu'il a vraiment exprimé dans cette pièce. Mais il y a aussi une espèce de sens bien entendu, que nous condamnons et mal compris, de l'honneur, de l'intégrité de la famille. Oui, c'est-à-dire, faut pas oublier non plus la civilisation méditerranéenne, je veux dire, et la condition des femmes, mais en plus à cette époque, ça devait être une chose beaucoup plus... Ça n'a pas tellement changé. Non, ça n'a pas tellement changé, mais c'est quand même très curieux aussi. Oui, la pièce d'Isabelle la Mora, je le répète, ni une pièce historique, ni une pièce sociale. J'ai parfois été tenté d'écrire à la manière de Brecht, que j'admire beaucoup, mais je suis persuadé que je ferai de très mauvais Brecht. Et là, j'ai choisi une toute autre direction exprès. C'est une pièce donc dont le sujet est la poésie et l'amour. Et c'est pas pour rien que j'admire tellement Éluard dans le plus beau recueil, de ceux sur lesquels j'ai écrit une préface après la mort d'Éluard, s'appelle « L'amour, la poésie ». Eh bien, l'amour, la poésie, ce sont les deux sujets essentiels d'Isabelle la Mora. Et ce qui est tout à fait contraire à ce qu'on appelle une pièce historique, c'est le second acte de cette pièce, dans lequel j'ai mis en scène une poétesse vierge qui imagine et qui recrée l'amour et l'érotisme, n'est-ce pas, d'une façon prodigieusement choquante pour tout le monde. Oui, et d'ailleurs, nous en parlerons peut-être dans un instant, ça a choqué certaines gens. On a vu quelque chose dans le fait que Isabella Mora, effectivement, comme vous l'avez dit, vierge, pure, qui n'a pas eu d'amant, invente tout à coup, pour déplaire à ses frères, pour les provoquer, invente toute une espèce de sensualité qu'elle n'a pas véritablement vécue. Il n'y a plus que de la sensualité, il y a le véritable érotisme de l'amour qui est découvert par une vierge qui n'a aucune connaissance de ça. Donc il s'agit là d'une sorte d'illumination. L'illumination étant l'essentiel de la poésie, je suis sûr que nous sommes d'accord là-dessus, il y a là quelque chose qui me paraît assez original dans cette pièce, qu'au moins je ne retrouve pas ni dans le théâtre élisabétain, ni dans le théâtre poétique d'aujourd'hui. Et cette provocation qu'elle fait à ses frères est d'autant plus forte que la haine de ses frères est absolument pleine d'amour. Ses frères sont tous amoureux d'elle. Et ils viennent de la torturer, ils viennent de la souiller, et elle répond par cette description qu'elle imagine, et cette description les torture à leur tour. Et vraiment, finalement, dans cette lutte de torture, dans cette compétition de torture, c'est elle qui gagne. Ils sont plus torturés qu'elle ne l'est. Évidemment, c'est au prix de sa vie. l'interprétation, la mise en scène d'Isabella Mora pose tout de même un certain nombre de problèmes, puisqu'il me semble quand même qu'il y avait des partis pris à prendre et que c'est une pièce, on a beaucoup évoqué le théâtre élisabétain, mais qui est néanmoins aussi, parce qu'à cause de la présence d'ailleurs probablement constante d'Isabella Mora, c'est-à-dire d'une protagoniste, qui se rapproche également beaucoup, je crois, de la tragédie, je ne dirais pas la tragédie antique, mais j'ai pensé surtout à Sénèque, à ces tragédies très très violentes, n'est-ce pas ? Et alors il y avait évidemment un parti pris, puisque ça ressemble aussi à un oratorio, où l'action tout de même est assez limitée, puisque les deux grands moments de l'action sont au début, dans la première partie, les plaintes d'Isabella Mora, le dialogue avec sa sœur, puis le meurtre, le premier meurtre du messager, du pédagogue, du malheureux pédagogue, auquel les frères en veulent, non seulement parce qu'il est savant, mais également parce qu'il a des mœurs qui ne sont pas conformes aux leurs, quoique on ne sache rien sur, vraiment sur les mœurs bizarres d'ailleurs de ses frères. Et puis la seconde partie est entièrement consacrée au supplice d'Isabella Mora, qu'on voit enchaînée sur la pièce comme une sorte, si je puis me permettre cette image un peu bizarre, comme une sorte de Jeanne au bûcher, enfin en quelque sorte, qui dure tout de même pendant très longtemps. Et alors Jean-Louis Barrault, là, quel a été votre parti pris? Enfin, comment avez-vous conçu votre mise en scène? Eh bien, effectivement, il y avait à choisir entre l'oratorio et un sujet dramatique. Tout à l'heure, Pierre de Mandiargue vous a dit qu'il n'avait pas voulu faire un poème dramatique, qu'il avait voulu écrire une pièce de théâtre sur la poésie. Et j'ai choisi la version purement dramatique en écartant l'oratorio pour justement être bien clair sur le fait que nous n'allions pas nous livrer à une logorée poétique. Et c'est pour cela que j'ai essayé de concrétiser les situations. D'autant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la poésie, c'est quelque chose de concret, de vivant et d'actif. Si bien que nous avons opté pour une situation dramatique et la plus grande rigueur. Pas de décor, nous avons terminé les murs du théâtre d'Orsay. Il y a le minimum de choses, des chaînes, et un paquet de chaînes sur lequel on peut à la rigueur s'asseoir, et c'est absolument tout. J'ai suivi les indications très fidèlement de Pierre de Mandiargue sur les fenêtres. Il y a deux voies, celle de Cazarès et celle de Noiret qui représentent la mère et le fils aîné. J'ai essayé de faire une mise en scène très rigoureuse. En pensant à Isabella Mora avec amour, c'est-à-dire à sa pureté, et une mise en scène vierge. La révélation de cette soirée, c'est Annie Dupéré. Je dis révélation, non pas que je ne l'ai pas déjà admirée comme actrice, mais on ne l'avait jamais vue, à ma connaissance tout au moins, on ne l'avait jamais vue dans un rôle tragique. Et il me semble que Annie Dupéré, ça a dû vous poser quand même, passer, vous venez de tourner un film, l'affaire Stavisky, je vous avais vu dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, où vous jouiez d'une façon très détachée et admirable, comme cela doit être joué, le rôle d'Hélène, et puis tout d'un coup, vous êtes passé à cette frénésie. Le mot est bon, détaché, c'est vrai, je ne suis plus détachée là. Mmh. C'est la première fois, pour moi c'était un espèce d'accouchement aussi, comme peut-être celui de la poésie au début, c'est que je ne savais pas exactement ce que c'était. Il fallait que je passe un cap, il fallait que je crache quelque chose, ou que je commence du moins. C'est une première marche. Et c'est venu avec ça. Et c'est pour moi un rôle où on ne peut pas tricher. Parce que les mots sont là, ils sont beaux. Je n'ai donc pas à les refaire, à les réinventer, ils sont là. Et finalement, il y avait très peu, au point de vue sentiment et au point de vue vie, très peu de choses indiquées et évidentes. Donc, sur ces mots, il fallait qu'on sorte, avec Jean-Louis, toute une vie en dessous, et avec lequel on ne peut pas tricher, parce qu'on doit la construire complètement avec soi. Et alors, tout de même, cette vie n'est pas une vie ordinaire, ça n'est pas une vie réaliste, car il y a toute une transposition, je pense à votre gesticulation, ou dirait-on votre gestuelle, qui est évidemment tout de même extrêmement stylisée. Si vous voulez, vous êtes un peu comme une danseuse ou comme un mime, vous jouez avec votre corps. Et là, j'imagine, j'ai cru y voir la part, évidemment, de Jean-Louis Barrault, qui a dû vous apprendre, tout de même, à, comment dirais-je, vous exprimer totalement, à vous exprimer totalement avec votre corps. C'est-à-dire que moi, j'aime Annie Dupéret depuis Jarry, puisqu'elle a joué dans Messaline, dans Jarry. Et j'aime son tempérament. Et je lui ai proposé de l'épouser, quoi. Alors, on s'est débrouillés tous les deux, c'est tout. Mais oui, je ne lui ai rien enseigné, simplement, je l'ai aidé. C'est la première fois, et il est rare d'ailleurs, c'est ce qui m'a intéressé dans son interprétation, c'est que... quand on voit, il y a tout de même quelques jeunes tragédiennes encore, mais aucune n'ose aller jusqu'au bout de cette interprétation physique. Il y a eu, bien sûr, ces derniers temps, des mises en scène. Je pense en particulier récemment à une mise en scène de Phèdre qui a été faite par Michel Hermon, qui était d'ailleurs très remarquable, mais où la gesticulation était, alors là, totalement transposée et d'une certaine façon artificielle. Tandis que là, ce que j'ai trouvé beau, c'est qu'elle reste à la fois naturelle et en même temps très stylisée. Oui, c'est Jean-Louis aussi. Jean-Louis ou l'attelage qu'on a formé un petit peu là. Jean-Louis, comme je me sens, je l'aime énormément. Je me sens en parfaite confiance avec lui. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Il a le plus de chance pour moi de faire une ouverture. Je veux dire, le travail se fait... pas naturellement, puisque ça a été douloureux. Moi, j'ai passé par trois mois d'angoisse que je n'ai pas encore bien définie. Naturellement douloureux. Oui, naturellement douloureux. Mais en tout cas, je ne sais pas, ça se fait d'une manière naturelle. Mais vous savez, c'est une œuvre qui a un rythme. Il y a une construction musicale, comme une symphonique. Le style du verbe est un style très précis. Il a son rythme. La phrase a son rythme. Pourquoi le corps n'aurait-il pas son rythme? Ne s'accorderait-il pas au rythme général? Si bien que lorsqu'on a des sonnets à dire, quand on a une prose poétique tout de même à dire, le corps doit devenir musique et doit prendre un certain rythme et doit devenir poétique. Si bien que on ne peut pas avoir des gestes quotidiens quand on dit des vers de 10 pieds ou quand on dit une prose poétique, c'est une prose rythmée, si vous voulez, n'est-ce pas? Alors forcément, la gestuelle de l'acteur qui fait ça est automatiquement prise par le rythme et on s'achemine instinctivement, non pas vers la danse, mais vers quelque chose de rythmé, de transposé. Mais naturellement, de façon réaliste. Alors il y a un autre élément de la mise en scène, ou du moins du texte même, des indications même qu'a donné Mandiargues, ce sont les motocyclettes. Et on en a beaucoup parlé dans la presse, et principalement à cause d'un incident survenu le jour de la générale, puisque un des motocyclistes, Pierre Clémenti, s'est cassé la figure dans le public, ce qui évidemment était tout de même très ennuyeux. Mais alors, je voudrais quand même que Mandiargues, puisque c'est lui, ce n'est pas Jean-Louis Barrault, comme on a pu le croire, qui a inventé cette mise en scène, il l'a bien mis dans la pièce et il l'a d'autant plus mis qu'il y a une espèce d'hymne à un moment donné à la motocyclette, et qui est d'une très très bonne venue. Pourquoi ces motocyclettes? Est-ce que c'est parce que c'est votre animal totémique, puisque vous avez écrit un roman tout de même très célèbre intitulé La motocyclette? Pourquoi ces motocyclettes? Pourquoi? D'abord, en effet, il me semble qu'à cause de la motocyclette, je suis un peu responsable de la mode de la motocyclette dans l'art, dans la littérature, dans le roman, dans le film, dans le musical, et aussi d'un certain de vêtements motocyclistes, combinaisons, cuir noir, etc. Que vous avez décrit pour la première fois. Dan Pace nous a donné une transposition baroque que je trouve tout à fait adapté au théâtre et qui m'a plu beaucoup. Mais enfin, qu'on n'aille pas voir dans la moto quelque chose d'essentiel à cette pièce. C'est en effet, comme vous dites, un petit peu mon animal totémique. C'était un peu pour moi une façon de marquer au fer ma pièce, la marquer un peu comme ma propriété. Et puis, à part ça, il me semble que la motocyclette convient très bien aux trois personnages des frères assassins parce qu'elle définit leur caractère avant même qu'ils ne l'expriment par la parole. Il ne s'agit pas d'un anachronisme gratuit ou bien choquant ou bien amusant ou bien comique. Bah, il n'est jamais question de moto dans la pièce. Il est question de coursier, de hackney, d'étalon, de destrier. Il est question de l'élevage du samouraï Honda ou d'autres haras japonais d'où sortent ces coursiers qui sont venus à la mode brusquement. On Italie et que le Saint-Père lui-même commande pour les frères inquisiteurs qui va lâcher dans l'Italie. Mais ça, il me semble que c'est du théâtre, justement, parce que, comme je vous dis, à la différence de mes romans, de mes contes et de mes poèmes, en écrivant une pièce de théâtre, j'ai essayé de choisir l'optique du théâtre, de choisir la scène, et je crois que sur la scène, il faut tout de même étonner les spectateurs, leur donner le plaisir de surprise. Bah, les pièces où on ne fait que parler, n'ont pas un très grand charme pour le spectateur. Je crois que, par exemple, une des pièces modernes qui nous ont le plus enchantés, en attendant Godot de Beckett, ce qui a apporté une véritable révolution dans le théâtre, ce sont les jeux de scène, les tours de force, le fouet, pas les personnages humains qui se changent en chevaux, et tout ce qui se passe là et qui est merveilleusement surprenant, que les critiques d'allure à l'origine n'ont pas compris du tout, avant que la pièce ne devienne aujourd'hui un chef-d'œuvre classique des temps modernes. Oui, mais enfin, néanmoins, ces motocyclettes ont passé un peu pour une provocation, et est-ce que le public n'a pas ressenti un peu comme ça, comme justement, je crois qu'elle s'intègre très très bien à la pièce et qu'il ne s'agit pas d'un anachronisme gratuit. Mais Jean-Louis Barrault, là, est-ce que tout de même ça ne vous a pas posé des difficultés, je veux dire, par rapport au public, je ne parle pas des incidences matérielles. Cette pièce, j'en ai rencontré quelques-unes dans ma carrière, a le pouvoir de diviser le public en deux camps, les deux mêmes camps qui sont sur la scène. Et c'est assez fréquent dans certaines pièces chaudes. Quand on assiste à cette pièce-là, ou bien on se sent du camp des frères, ou bien on se sent du camp d'Isabelle Lamora. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une irritation nerveuse, et qui est exactement le point de mire de la pièce. Il ne s'agit pas de laisser froid des gens devant soi, il s'agit de les mettre dans des conditions, de les enfiévrer. Ou bien alors ils ont une nature du genre des frères, de calomnie, d'endurcissement, de haine de la poésie, de haine des mots, et à ce moment-là, ils deviennent comme des possédés qu'il faut exorciser. Ou bien alors ils se sentent du côté d'Isabelle Lamora, hein, et à ce moment-là, ils sont prêts à s'offrir en holocauste pour défendre leur cause. Mmh. Voilà, c'est une pièce comme ça. Mmh. Je crois que, alors, la moto peut réjouir ou la moto peut irriter. Celui qui est irrité trouvera ça imbécile, ridicule, épouvantable, il le rejettera avec toute sa nature endurcie, calomniatrice et haineuse, et ratée. Et alors que l'autre prendra un parti peut-être exagéré en faveur d'Isabelle Lamora et dira pas du tout, quelle bonne idée ces motocyclettes, quel beau texte que le texte de Pierre de Mondiac, etc., etc. Je crois que c'est une pièce qui ne peut pas laisser indifférent. C'est énervant. Le conflit entre la pureté et la bestialité, c'est un conflit énervant. C'est un petit peu ce qu'on peut chercher quelquefois au théâtre. C'est ce que je cherchais. C'est ce qu'on appelle le théâtre de la cruauté. Le théâtre de la cruauté, c'est le théâtre de la vie. C'est pas le théâtre sadique. C'est simplement que la vie est cruelle, comme ça. Il y a ceux qui sont pour la mort, il y a ceux qui sont pour la vie. Madame Mora, vous vouliez dire... Je trouve, oui, justement, moi j'ai vu la pièce deux fois, j'ai beaucoup aimé ces motocyclettes, justement, parce que j'ai trouvé que M. de Mondiargue a donné un souffle de modernisme à la pièce qui était presque nécessaire, qui la rapproche beaucoup du public actuel, je trouve. André Masson, c'est le peintre, je m'en pardonne. André Masson, voyant la représentation, me dit « Le côté blouson noir des costumes de Patché, à la fois Renaissance et blouson noir, m'ont fait croire que les motocyclettes avaient été dessinées ou par Durer ou par Vinci. » Mais c'est effectivement quelque chose de très juste, oui. Jean-Louis, vous qui avez connu Artaud mieux que moi, je crois qu'Artaud n'aurait pas désapprouvé nos motos. Non, sûrement pas. Ça, les motos, est tout à fait dans le style d'Artaud. Le temps passe et il y a une dernière question que je voudrais poser à André-Pierre de Mondiargue. C'est, vous avez une œuvre extrêmement abondante derrière vous, si je puis dire. Et pourquoi vous êtes-vous décidé si tard à écrire pour le théâtre? Ça, je ne saurais vous répondre qu'en inventant une réponse. En réalité, on ne sait jamais ce qu'on va faire. Comme il est dit dans Isabelle Lamora, c'est d'ailleurs une ancienne devise italienne que j'ai remise là, « Ce qui sera, sera. » Oui, mais enfin, là, vous échappez un peu. J'avais pensé, par exemple, est-ce que l'influence, ou disons l'atmosphère, André Breton, par exemple, les surréalistes, ont été très hostiles au théâtre. Est-ce que vous n'avez pas partagé un peu cette hostilité pendant quelque temps, tout au moins? Il ne s'agissait certainement pas de l'influence de Breton ou du surréalisme. N'oubliez pas que Breton a lui-même écrit des petits actes destinés au théâtre dans les premières années du surréalisme. Mais après, il était très hostile. Avec Aragon. Si nous commençons à traiter ici de l'hostilité de Breton et des grands surréalistes envers le théâtre, la musique ou certaines choses, bah, nous n'en sortirions. Non, mais je voulais simplement savoir si vous... Tout cela est extrêmement compliqué. Mais enfin, chez moi, il s'agit non seulement, je n'ai bien entendu aucune hostilité pour le théâtre, mais j'ai toujours eu une passion pour le théâtre. Tout dernièrement, je parlais avec Philippe de Rothschild, qui est un grand homme de théâtre et dont j'ai préfacé les belles traductions de poèmes élisabéthains. Je parlais de Maya, et c'est une pièce que je ne trouve pas fameuse aujourd'hui. De Simon Gantillon, oui, qui était une pièce assez célèbre avant-guerre. Qui m'a absolument bouleversé quand j'avais 15 ou 16 ans, et qui a orienté mon esprit un petit peu vers la prostitution dans les ports. L'idée n'est pas qu'une femme, une espèce de vierge prostituée, prodigieusement symbolique, une espèce de femme déesse, de grande mère à la façon de la divinité orientale pourrait se trouver là. Et après Maya, pas que ce soit Pirandello, Claudel et tellement d'autres, j'ai toujours eu un culte pour le théâtre. Vous direz tout de suite que pour moi, pas le très grand homme du théâtre français, c'est Paul Claudel. En cela, je crois que nous sommes tout à fait d'accord, Jean-Louis et moi. Et alors là, il y a une différence absolue entre mon jugement et celui des surréalistes. Artaud, quand il a donné un acte de partage de midi contre la défense de Paul Claudel, annonçait aux spectateurs « Nous allons vous donner un acte admirable d'un personnage qui est un traître et un salaud. » Oui, mais il y a eu également tout de même, et là vous l'avez mentionné au début, votre fréquentation, enfin du moins par la lecture, du théâtre élisabéthain, du théâtre romantique allemand, qui a compté beaucoup, je crois, pour vous. Bien entendu, toutes mes passions, non seulement Shakespeare, mais tous les élisabéthains qu'on a le tort d'appeler secondaires, Cyril Tourneur, Ford, et le grand théâtre allemand, Kleist particulièrement... Büchner aussi, bien entendu. Enfin, tout cela, j'ai lu cela, je me suis précipité aux représentations quand, par hasard, on représentait une pièce de ces gens-là. C'est rarement réussi, comme vous savez, car la merveilleuse pièce de Ford, Dommage qu'elle soit putain, il ne faut pas dire Dommage qu'elle soit une putain, le titre est mal traduit, qui est une pièce merveilleuse, nous n'en avons jamais eu une représentation qui m'ait vraiment satisfait. Et je ne sais pas si cette représentation a jamais eu lieu. inutile de vous dire que dans Isabelle Lamora, il y a un souvenir de cette pièce, que la poésie de l'amour incestueux, elle me vient un peu de la pièce de Ford, de même que si vous voulez que je vous donne une de mes clés, parce qu'on a toujours des clés, le fait de faire sortir une pièce du rêve, ça m'est venu de la Cléopâtre de Jodel, une autre pièce admirable, qui n'a d'ailleurs aucun rapport et aucune ressemblance avec Isabelle Lamora. Mais je trouve que de faire sortir une pièce de la nuit du rêve, c'est quelque chose qui, sur le théâtre, place tout de suite les spectateurs et les comédiens sur des plans différents de ceux du théâtre habituel. Au fond, ce que nous avons tous cherché à faire, moi d'abord en écrivant, Jean-Louis par sa mise en scène, les comédiens et surtout Annie Dupéret en jouant, c'est de faire quelque chose qui sorte de l'habituel, qui sorte de l'ordinaire, de ce qu'on voit généralement sur la scène. Alors et finalement, ce que j'ai surtout à dire, moi, c'est le soir entre 9h et 11h. Eh bien, il faut que de nombreuses gens aillent voir cette représentation. Et je trouve que André-Pierre de Mandiergue a eu beaucoup de chance d'être joué dans ce nouveau théâtre, puisque c'est la première création dans le nouveau théâtre d'Orsay qu'a construit de ses mains, si je puis dire, Jean-Louis Barrault, qui est un très très bel endroit qu'il faut s'empresser de découvrir et qui ressemble beaucoup justement à un théâtre élisabétain et qui fait penser, et c'est un endroit au fond à la fois très moderne avec un mélange assez extraordinaire et qui correspond un peu au style de Mandiergue, puisqu'il y a tous les aspects surréalistes de la gare d'Orsay qui sont présents. Il y a cette charpente de bois, il y a tout un côté à la fois improvisé et en même temps très confortable de ce théâtre, et je trouve que cette pièce correspondait particulièrement. Il me semble que vous devez être content, Jean-Louis Barrault, de votre nouvel instrument de travail. De toute manière, content même et amoureux. Le fait de construire un théâtre maintenant, je trouve que c'est presque une œuvre poétique aussi. C'est vrai. Oui, je vous en prie, le dernier mot. Oui, dire un petit dernier mot, remercier M. de Mandiergue, M. Jean-Louis Barrault, de l'œuvre, de leur œuvre, d'avoir fait connaître en France la poésie d'Isabelle Lamora. Et je voulais vous dire aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que justement la devise de la famille Mort s'applique très très bien à Isabelle, parce que la devise... il y a trois mots latins, post fata risurgo, ce qui veut dire après le destin. Je renais, je ressurgis, et le destin d'Isabelle s'est accompli malheureusement d'une façon tragique, mais son œuvre reste, et elle renaît grâce, quatre siècles après. Et elle a ressurgi. Ressurgi grâce à M. de Mandiergue. Voilà. Ajoutons encore que, timide comme je suis, si j'avais su que la famille Mora, la noble et puissante famille Mora, était encore si bien représenté en France, à Rome et ailleurs, j'aurais probablement été intimidé au point de ne pas oser entreprendre cette pièce. C'était Mise en scène, Isabelle Lamora, d'André-Pierre de Mandiergue, par Jean-Louis Barrault, une émission proposée par Guy Dumur, diffusée la première fois le 12 mai 1974 sur France Culture. Avec André-Pierre de Mandiergue, Jean-Louis Barrault, Annie Dupéret, Ornella Volta et une descendante de la famille Mora. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.